à picoler. Je sais que je peux plus m'arrêter quand j'entame une bouteille. Je pense déjà à la prochaine. J'ai avalé, sans envie de remonter. État alcoolé, coma éthylé. Dégueuler.